bientôt maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Youssoupha. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Youssoupha, c'est maintenant sur Skyrock. Communauté du geste, bienvenue dans ce Planet Rap pendant une semaine. Comment ça va, Youssoupha? Tu pensais être débarrassé de moi. Et il est de retour. Et je suis de retour. Et il est de retour et déjà numéro 1 des ventes. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'essaie de bosser grave en amont pour essayer de porter le truc haut. Mais une fois que c'est sorti, franchement, en fait, je regarde même plus. M'arrête. Non, je te jure, c'est vrai. T'as jeté un petit coup d'œil comme ce matin en disant bon, est-ce que. Non, on me dit, parce que voilà, mais parce qu'après, en fait, en vrai, tu maîtrises pas, tu vois. Mais tant mieux. Bon, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es content avec cet album Négritude? Je suis très, très heureux. Je suis d'autant plus heureux que. C'est pas le premier Planet Rap qu'on fait, ça doit être au moins le 6e ou 7e. Et on a fait des Planet Rap, toi et moi, dans des conditions où les albums c'était un peu plus poussif. Il fallait, voilà, on revient tellement de loin qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je suis, franchement, je peux pas me plaindre. Effectivement, l'album il est premier, en tout cas, on en a des bons retours. Tant mieux, tu vois, mais on prend tout ce qui est donné dans un bon esprit, on le prend. Bon, c'est un super album, on va le découvrir évidemment. Si vous voulez récupérer, tiens, avec le hashtag Youssoupha sur Skyrock, dites-nous un petit peu quels sont vos morceaux préférés. Ouais, exactement. Tu dois avoir commencé déjà à ressentir Je ressens ça grave déjà. Des gens qui se posent des questions sur certains morceaux aussi. Ouais. Un notamment qui s'appelle Point commun. On en parlera cette semaine. On va teaser toute cette semaine. Est-ce que tu me permets, malgré tout, de prendre juste 2 minutes pour parler d'une nouvelle que j'ai appris dans la journée là, par rapport à la délibération de Ziad Ebouna. Je voulais justement qu'on dise un mot et surtout souhaiter beaucoup de courage aux familles et aux proches. Énormément de courage. Il y a un rassemblement qui a lieu en ce moment à Bobigny, en tout cas si vous voulez vous y joindre. Je crois qu'il y en a aussi à Rennes. Il y en a, ouais, y en a pas mal devant des tribunaux. Exactement, Pour manifester, demander justice, quoi. Ouais. Parce que clairement, voilà, on va pas se mentir, on va se mouiller. C'est une relaxe qui fait mal, c'est des enfants qui sont morts et on dirait que c'est pas des enfants de la République. C'est surtout un truc qui a traîné pendant 10 ans, donc je pense que pour les parents, à chaque fois, c'est terrible. C'est insupportable. Pour les proches, ouais, c'est assez insupportable. Pour éviter justement qu'il y ait de la réaction, de l'émotion sur Paris, ils ont un peu sabordé le procès, je vais dire ça comme ça, à Rennes. Ils l'ont délocalisé, éviter, ouais. Voilà, etc. Mais bon, tout ça, je vais pas dire l'étouffer, mais allez, vas-y, c'est un peu pour l'étouffer, en tout cas pour le mettre de côté. Et puis la relaxe, et puis voilà, j'ai pas encore les délibérés exacts, t'as vu, donc je veux pas dire n'importe quoi, mais il y a presque à côté, voilà, les policiers ont fait leur travail, les mômes avaient pas le profil qu'il fallait, ils ont pas eu le comportement qu'il fallait, donc voilà, ce qui est arrivé n'est pas de leur faute du tout, alors qu'il y a clairement une assistance à personne en danger. Ce qui est assez terrible, parce qu'en effet, il y a eu des écoutes qui ont été rappelées d'ailleurs pendant le procès. Exactement. On disait, bah si ils sont là, bah. Tant pis, les policiers disaient explicitement, voilà, s'ils vont là-bas, bah tu sais quoi, ils vont se trouver eux-mêmes. On donne pas cher leur peau, exactement. Exactement, donc c'était quelque chose d'assumé. Du coup, la relaxe, elle est incompréhensible. On parle d'un pays où on parle justement de vivre ensemble ou quoi que ce soit. Là, on vit pas ensemble et surtout, on ne meurt pas ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait que c'est les enfants des autres qui sont morts. Ces enfants-là, ils étaient français, ils font partie des enfants de Marianne. Tout ce que t'entends bassiner dans les débats télévisés, etc. Et c'est un procès clairement injuste. Alors, on est bien, on a bonne de juger les États-Unis parce que Mike Brown, parce que truc et tout ça. Et voilà, t'as vu, les États-Unis, ils sont très méchants, ils sont très mal, ils ont rien compris. Mais Bouddha et Ziad, leur exemple, montrent qu'effectivement, il y a un décalage entre deux France et la manière dont on considère une frange de cette population qui vit dans des quartiers plus difficiles. Donc, mes pensées vont vers eux, vont vers leur famille, pour ceux qui se battent, parce que nous, on est des relais, hein, t'as vu, toi et moi, Fred, on en parle, mais on est des relais sur le terrain, on n'est pas là au quotidien. Donc, ils vont aussi à ceux qui essaient d'avoir justice, qui se battent pour que le procès soit relayé. Et puis, peut-être dans la semaine, si jamais on a. Là, j'avoue, je parle à chaud, parce que c'est tombé cet après-midi, mais si dans la semaine, on a des nouvelles par rapport à ceux délibérés, Ce qui est assez terrible, ouais, on parle à chaud, mais malheureusement, c'est aussi la fin de quelque chose, parce que je crois qu'on ne peut plus faire appel. Ouais. Alors que c'était peut-être un procès symbole, tu vois. On parle souvent du décalage entre justement les autorités et les jeunes des quartiers, même les gens des quartiers, tous ces thèmes liés à l'immigration, à la banlieue, etc. Bref. Compliqué, ça aurait servi de voir qu'il y a une sanction, en tout cas que la justice se sente concernée par les problèmes de ces gens-là. Même si ça les fera pas revenir, ça c'est clair. Ça les fera pas revenir, mais justement, puisqu'on les a perdus, qu'on les ait pas perdus pour rien, en fait, en vrai. Tu vois, moi, Bounaïziad mort, ça fait mal. Bounaïziad mort pour rien, quand je vois ça sur les t-shirts. Ça, ça crée vraiment. Et je dis ça, moi, je suis pas de leur famille, j'habite pas dans leur quartier ou quoi que ce soit. Je regarde juste en tant que citoyen et peut-être aussi en tant que mec qui a gardé dans les quartiers. Et c'est vraiment, vraiment triste. Vraiment, vraiment triste pour ce pays. Triste pour les quartiers, mais triste pour ce pays. C'est les moments où on a honte et on voit vraiment que voilà, on veut pas faire l'effort de réconcilier les gens et de prendre en compte leur douleur. Donc je pense encore très fort à leur famille, à ses frères, à son frère Siaka notamment que j'ai eu, qu'avec qui on est en contact. Voilà. Mais tu as eu raison de le préciser, puis on n'hésitera pas d'en parler aussi durant cette semaine. N'hésitez pas sur vos réseaux, en tout cas, à demander des comptes, tout ça. Je ne sais pas si ça change quelque chose ou quoi que ce soit, mais les médias n'ont pas toujours couvert largement ce procès-là. Voilà, on nous accuse toujours d'être un peu, ouais, vous êtes victimaire, ouais, mais vous dites toujours la même chose. On dit toujours la même chose parce que les problèmes, malheureusement, sont toujours les mêmes, en fait. C'est ça, c'est juste ça, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'on commence le Planète Rap en parlant des marguerites et c'est faire des discours sur les tulipes, mais voilà, à côté de ça, il y a des enfants. Il y a aussi une réalité, Il y a une réalité injuste, donc c'est pour ça qu'on en parle. Et tu as raison de le préciser, une fois de plus, on le disait, on salue évidemment les proches, parce que c'est pour eux que c'est le plus dur. Ça a été long, très long. Très long. Et pour en arriver là, tu dis, ouais. Tout ça pour ça, ils sont déplacés, c'est beaucoup de frais de justice, etc. Et voilà. J'espère que la police française n'est vraiment pas fière de cette décision. J'espère que l'État français et la justice française n'est pas. En tout cas, si tu as un minimum humain, je pense pas que tu puisses. Ça me paraît bizarre. C'est super bons, heureux d'un dédouement pareil. Voilà, exactement. Voilà. En tout cas, parlez-en autour de vous. Youssoufa avec nous cette semaine entre 20 et 21. C'est aussi ça d'ailleurs, l'album Négritude. C'est vrai qu'il y a, y a un parti pris, même sur le titre de l'album. Ouais. Il y a plein de choses qui sont dites. On va en parler durant cette semaine. Et juste avant de débuter, on a préparé un petit medley. On n'a pas mis évidemment toute ta carrière. Ouais. Parce que sinon, il aurait fallu. Ah, je suis Mick Jagger, moi. Ouais. Ça y est, maintenant je suis devenu Mick Jagger. Mais on a préparé un petit medley de Youssoufa pour se remémorer des grands moments, des grands morceaux de Youssoufa. Planète Rap. Planète Rap. Ça c'est pas du rap de rue, c'est du rap de bled. Yeah, les sanctions sont illégales. Je fais du rap, est-ce que tant que temps est illégal? Yeah, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps. Planète Rap. Polaire entre poèmes et vulgarité. Je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à trois personnes de ton entourage, qu'ils enverront à trois personnes de leur entourage, qu'ils enverront à trois personnes de leur entourage, qu'ils enverront à trois personnes et ainsi de suite. Planète Rap. Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, ayo. Why can't you love me? La musique. Love is the answer, love is the key. Love is the answer, love is the key. Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, ayo. Why can't you love me? Y'a trop de dilemmes dans ma destinée. Trop de joie, trop de peine dans ma destinée. De victoire et d'échec dans ma destinée. C'est ça même. Planète Rap. Planète Rap. That is not a dream. But I saw. Yeah, I saw your. Voilà. Ah ouais. Petit aperçu. J'ai l'impression d'être Akhenaton. C'est ça. Tu es devenu Akhenaton. Non, mais c'est un truc de ouf. Ah, il y en a eu beaucoup, hein. Bah, et puis, on n'a pas tout mis. Ouais, on n'a pas tout mis. Qu'est-ce que ça te fait d'ailleurs de réécouter tout ça si tu dis merde, putain, j'ai trop de boulot pour les concerts maintenant. Grave, j'ai au moins de la matière parce que les premiers concerts, t'as trois morceaux qui se battent en duel, le reste, tu fais du théâtre. Là, au moins, on pourra faire écouter du. Non, je suis content, ça veut dire que ça dure. Tu sais, le rap, c'est pris pour une musique grave de tendance. Toi, t'es à la mode. On le voit encore un peu, tu vois. Il y a des rappeurs qui viennent, ils sont à la mode. Les gens, ils les saucent, ils font des millions de vues et c'est génial. Et après, deux ans après, ils sont là, ils disent ouais, mais lui, c'est le passé, c'est mort. J'aimerais pas que ça m'arrive. En tout cas, je suis pas là pour ça, en fait. T'étais dans quel état d'esprit quand t'as commencé Négritude, justement? Il y avait eu le carton du précédent, Noir Désir. Ouais, c'était assez nouveau, ça. C'est-à-dire que c'était la période, l'un des derniers concerts de la tournée, c'était Urban Peace au Stade de France. Donc je me suis clairement mis en tête que voilà, on avait passé un cap et que c'était devenu particulier. Après, les gens me disaient, est-ce que t'as la pression? Moi, j'étais pas en mode pression. J'étais en mode exigence avec moi-même. C'est-à-dire qu'on me disait, ouais, mais t'as vu maintenant avec le succès. Le succès, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, comme ils disent les Ivoiriens, qui cherche trouve, qui trouve supporte. Donc t'as vu, j'ai supporté, j'ai assumé et voilà, ça donne un disque qui est plutôt encore plus abouti que le précédent. Et non, je suis voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, de te dire bon, ouais, forcément. Comment faire mieux? Ouais. Il y a eu des moments de doute. Il y a des moments en fait où t'as le mauvais réflexe, tu dis je vais faire Noir Désir exactement la même chose. C'est-à-dire que je veux faire le nouveau les disques de mon père, je veux faire le nouveau Dreaming, le nouveau Menace de mort, mais ça marche pas comme ça en fait. En vrai, c'est beaucoup plus subtil. Et au fait, je crois que l'album il a commencé à prendre vraiment forme quand j'étais en mode. Ouais, Négritude pour Négritude et pas Négritude pour faire un petit frère ou un grand frère à Noir Désir. Ouais, c'est pas une trilogie comme il y a eu Noir Désir, ensuite Négritude et peut-être un. En fait, en vrai, dans l'esprit, on peut considérer que c'est des albums liés, notamment par rapport à leur couverture, leur cover. Maintenant, sur l'approche artistique, non, c'est assez propre. Au début, je voulais faire un peu trop le schéma de Noir Désir. Et en fait, ça m'a saoulé. Noir Désir n'était pas le schéma du précédent. Le précédent n'était pas le schéma du premier. Donc, faut pas avoir ce genre de complexe. Ça s'appelle Négritude, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. C'est déjà numéro 1. Le hashtag, c'est Youssoupha sur Skyrock. Dans un instant, je poserai aussi des questions puisqu'on parlera de l'application Youssoupha. Ouais. Moi, je suis content, j'ai ma carte de membre du Jazz Club. Regarde. C'est vrai. On peut la mater. Je suis donc officiellement introduit dans le Geste Club. Ouais, non mais grave. Non mais c'est toi qui vas laver les locaux. Parce que tu commences en bas, tu vois ce que je veux dire. Salaud. J'étais sûr qu'il y avait une traîtrise avec cette carte. Ouais. Bah, on vous en parle dans un instant. Et juste avant, on débute avec un extrait de l'album Négritude. C'est évidemment ce morceau qu'on joue sur Skyrock depuis un petit moment maintenant qui s'appelle Smile. Exactement. C'est parti. Laisse tourner le son. Où sont les sourires au pied de nos tours? C'est pour les rêveurs qui ont des nuits plus belles que nos jours. Lyriciste pente, c'est ça même, refrain. You make me, you make me. Y'a tous ces rêves que je promène. Plaidarais mon accent. J'ai pas réglé mes problèmes. Les coups j'en ai fait 400. J'ai pas tenu les promesses. Perdu dans mes passe-temps. Et quand les autres progressent, j'ai l'impression d'être absent. Tout ça n'a pas de sens et ça me donne le tournis. Comment régner parmi les araignées? Je suis une fourmi, mais toujours mon sale orgueil qui résonne comme un écho. Je sais pas si j'ai mal à mon cœur ou mal à mon égo. Tous inégaux, tous énervés. C'est pour ma tante et tout le travail ingrat qu'elle a fait pour nous élever. C'est pour les femmes qui ont apaisé mes soupirs, celles qui m'ont croisé en larmes et m'ont redonné le sourire. Refrain. You make me. Yeah, ok, Okay. Mes tourments échappent à certains, pourtant ils parlent à d'autres. Et plus le bonheur me tend la main, plus je suis parano. À nos actes manqués, à nos embouteillages, à nos joies tourmentées, à nos coups de théâtre. Et y'a tous ces moments où je décroche, où je pense à me retirer. Je pense aux reproches et à mes proches quand mes défauts remontent. Si j'aime autant mon fils, c'est pas seulement pour ceux qu'il aime, mais aussi pour ceux que je suis depuis qu'il est venu au monde. C'est pour mon grand frère dans le deal, pour tous ses conseils, pour tous ces gens qui m'ont fait grandir à travers les concerts. C'est pour les sœurs qui m'ont pas laissé souffrir, qui m'ont vu quand j'étais seul et m'ont redonné le sourire. Refrain. Maman, on garde le sourire et on prie même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. Le morceau s'appelle Smile. Il est en compagnie d'une jeune fille qui s'appelle Emily. Emily, ouais. Si je dis pas de bêtises. Elle est d'un groupe qui s'appelle Madame Monsieur. Groupe électropop. Exactement, folk, pop, etc. Folk, tu vois, ce genre de groupe qui touche un peu à tout. Ils m'ont fait écouter. Je manquais d'un morceau comme ça dans mon album. En fait, j'avais une idée précise de ce que je voulais dans mon album. Je commençais à avoir un peu toutes les pièces. Et puis, j'avais un morceau dans cette couleur-là, mais finalement, il me plaisait pas. Donc, je l'ai mis de côté. Et j'avais la frustration de ne pas avoir un morceau dans ce genre-là. Eux, ils m'ont fait écouter une maquette à eux. C'est Medellin, le gars qui produit, Rémi de Medellin, qui produit le titre, qui m'a fait écouter ça. Et j'ai dit, franchement, je suis obligé de leur braquer. Ils n'avaient pas encore fini le morceau, donc je me suis invité. Tu t'es servi. Ah, je l'ai braqué comme Eminem, tu te rappelles, avec Dido, Stan. Il est venu, il s'est servi, etc. Mais bon, voilà. Elle m'a fait un joli sourire. Et puis, franchement, voilà, on est content parce que c'est un morceau qui porte bien l'album. Et puis, c'est tellement des périodes, justement, de dureté où tout le monde fait la posture que, vas-y, on ramène du smile tranquillement, tu vois. Smile, il est extrait évidemment de Négritude. Et je le disais, il y a donc une application qui va avec cet album. Ouais. Qu'on peut télécharger sur le Apple Store, sur le Android. Sur à peu près tous les mobiles, format mobile de smartphone. Sur youssoufa.gestclub.com également. Exactement. Et donc on a des petites cartes, parce que moi j'ai déjà reçu la mienne. Et c'est au fait, c'est une appli. Je suis très fier. Non, mais c'est une appli, en tout cas, elle change beaucoup de choses, tu vois. C'est une idée assez innovante parce que j'ai pas fait le récap de tout, mais il y a pas d'artistes qui ont des applis propres, et en fait, celle-là. Elle a été développée et dedans, je peux avoir justement moi en tant qu'artiste, je peux avoir le retour des gens qui me suivent, de mon public, etc. Mais après, dans les concerts, ça permet à ce qu'on se rencontre, ou alors qu'ils aient des avantages pour pouvoir aller au concert ou accéder au backstage. Assister à l'émission Planète Rap, je vois que par exemple, là, il doit y en avoir, forcément, c'est derrière moi. Ah ouais, d'accord. Là, on peut cliquer, on l'a. Exactement. Il y a des morceaux inédits, il y a des fois des news qui arrivent avant là-bas, il y a des clips qui arrivent avant là-bas, ils se tiennent au courant des concerts, il y a des t-shirts qui sont offerts, il y a pas mal de concours, il y a des forums entre public de Youssoufa, et puis voilà, il y a plein d'avantages, plein de trucs, et puis surtout moi en tant qu'artiste aussi, c'est un nouveau outil de développement. J'étais sur Twitter, j'étais sur Facebook, et j'étais sur Instagram, mais là c'est un peu, tu vois, le truc un peu premium, et puis voilà, qui intéresse en tout cas ceux qui me suivent de manière le plus pointue. Et cette semaine, vous pouvez poser des questions à Youssoufa via l'appli. Donc ceux qui seront le plus likés pourront. Il y a déjà beaucoup de monde sur l'appli. Je crois qu'il y a 8000 personnes, je crois. Continuez. Allez télécharger, c'est gratos pour l'instant. Ouais, exactement. C'est gratos, allez-y. Bah, justement, découvrez-le. Profitez-en. Il y a par exemple Nicolas qui te pose une question en disant salut le roi du rap français. Ah ouais, merci. Merci Nicolas. Je voulais te demander combien de temps ça t'a pris pour faire l'album Négritude et est-ce que ça a été dur à écrire. Merci et continue, tu es le boss. Merci Nicolas, je suis le roi, le boss. C'est toi. Je prends. Non, ça m'a. À partir du moment où je suis rentré vraiment dans le vif du sujet, ça m'a pris 9 mois. Sinon, ça m'a pris, à part les 9 mois, là, ça m'a pris 3-4 mois à tâtonner, à me chercher, à faire des morceaux dont j'étais pas vraiment satisfait, sans savoir où j'allais. Mais à partir du moment où j'ai décidé que là, ça va être Négritude, ça va être cette couleur-là, ça m'a pris 9 mois, comme un bébé. Autre question, tu veux d'autres questions ou pas? Vas-y, bah oui, posé via l'appli. C'est les gens. Henri, Henri qui dit salut Yous. Je me présente. Je m'appelle Henri. Je te suis pas depuis très longtemps, mais en 2 ans j'ai écouté tous tes albums et t'es le seul MC auquel je m'identifie. Ah bah merci beaucoup. Ça c'est un compliment en fait. Ça c'est un compliment et après ça se corse. Putain, t'es un fouteur de merde. Merci, mais ça sert à ça. Des fois, il y a des gens qui vont découvrir avec On se connaît ou Dreamin, mais après qui se replongent. Et puis il y en a d'autres qui vont découvrir avec Négritude aussi. Exact, complètement. Mais après qui se replongent dans Éternel Recommencement ou dans À chaque frère, des albums à moi qu'il a dit à 7-8 ans. Donc c'est le cas d'Henri qui te pose quand même une question derrière, qui dit: je voudrais savoir si tu as juste une aisance à aligner des punchlines qui riment ou tu te poses vraiment devant un sujet précis et tu l'analyses. Waouh! Ah ouais, c'est technique la question. Ah ouais, hein. Il est examinateur à l'université. Je prends comme ça vient, frère. Parfois des choses qui te font réagir. C'est pour ça que tu fais des sujets. En réaction, je prends des notes toujours de côté. Moi, je prends des notes. Et après, un jour, quand j'ai un concept, après, je rassemble mes notes sur tout ce que j'ai trouvé. Et au fait, après, ça me donne une chanson. Mais voilà, punchlines, il n'y a pas des petits trucs là qui te viennent. Des fois, genre, je sais pas, pour écrire en toi, je. Une fois, j'ai entendu le truc de Prévert, là. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ça m'a touché, ça. Ça m'a. Regarde, même là, ça me secoue. T'en pleures. Je suis encore ému. Franchement, ça m'a touché de ouf. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie de faire une chanson. Ça pourrait aller dans le cadre d'une chanson de partage qui vend un peu de positivité aux gens. Parce que t'as vu, genre, vendre des trucs plus durs, autres trucs. Mais voilà, là, au moins, c'est. Il y a de l'épaisseur, tu vois ce que j'ai, et de la positivité. Donc posez vos questions aussi avec le hashtag Youssoupha sur Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Qu'est-ce qu'on met comme morceau Youssoupha de Négritude après? Viens, on se met le morceau Où est l'amour? Parce que c'est l'intro. C'est l'intro. C'est bien. Ouais. C'est bien de. Où est l'amour? T'as fait. C'est bizarre, t'es pas sur 36-15 vues là pour les anciens. Calme-toi, mon frère. Moi, tu sais, dès qu'on parle d'amour, ça me. Ouais, mais pas avec ce bruit là, calme-toi. D'accord, j'ai compris. Parce que peut-être que. Ah, on a le clip qui est dans les tuyaux, peut-être que je sais pas, ça dépend, on va voir. Peut-être qu'on va le balancer dans les prochaines heures, je sais pas. Découvrons-le déjà. Et bon, découvre le son dans un instant. Et où est l'amour? On se tâte si jamais. Tâtons-nous après. Oh là là. Tâtons-nous après. Ne bougez pas, on revient avec Youssoupha. Émission interdite au moins de 18 ce soir, on va dire. On va faire ça. Négritude, c'est l'album et c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Youssoupha pendant une heure complète ce soir. Planète Rap Youssoupha. C'est extrait de Négritude, Où est l'amour, Youssoupha, notre invité toute la semaine entre 20 et 21 dans Planète Rap sur Skyrock. Nouvel album, l'amour encore, je compte et j'entreprends. Je garde mes codes, même si ma cote est montée entre temps. Je me vois en big sur les affiches, en big sur les écrans. En vrai, ma vie est petite quand je mentalise à quel point Dieu est grand. Il me faut du cran, Renoir, il me faut du cran. La mort m'attend, il me faut du temps, donc regarde. Il me faut du temps, vu que le ton est devenu aigre. Je crée de nouvelles règles. L'album c'est Négritude, mais il ne sort pas chez Pascal Nègre. Dites à mes sœurs que dans mon cœur, elles ont le monopole. Dites à nos détracteurs que leur aigreur est monotone. Et dites aux langues de pute que je vais pas répliquer, que je préfère mourir incompris que de passer toute ma vie à m'expliquer. Hip-hop des blocs épinglés, nous on a la cote et la porte est flinguée. Faites péter les portes, mon époque est blindée. Je me téléporte et me porte en indé. Mes potes qui bloquent le rindé, la prod qui choque est teintée. J'ai à peine commencé, je rigole parce que le score a grimpé. Dites aux petits frères de chez nous que la rue est redoutable. Et dites à Zemmour qu'il s'étouffe, je suis jugé non coupable. Dites à ma clique que la France peut être immonde. Dites à Malik que j'étais un moins que rien avant qu'il vienne au monde. Depuis je mêle amour, violence et colère. Flot insolent, j'ai mis un cheveu sur la langue de Molière. Putain, j'suis tellement en avance, bordel. Mon album n'est pas le disque de l'année, c'est déjà le disque de l'année prochaine. Seul au monde, ma mère me manque au maximum. Étrangement, parfois je l'entends dans la voix de Nina Simone. Oh, oh. Dites aux rappeurs qu'on revient fermer des gueules dans ce rap game. J'suis pas le meilleur, non, non, non, je suis le seul, mon Dieu. Redites à CHI que sa musique est visionnaire. Dites à Phil autant que je rappe, il sera millionnaire. Et dites à mon public que je n'ai pas de talisman. Que seule la foi me guide quand je gagne ses applaudissements. Ah, Prince Parolier. Je n'avais rien à perdre, maintenant j'ai gagné vos applaudissements. Je n'avais rien à perdre, maintenant j'ai gagné vos applaudissements. J'ai toujours pris de longues vacances pour pouvoir m'isoler, pour pouvoir vivre vraiment en moi-même, au fond de moi-même, et écrire ce que j'avais besoin d'écrire et que j'accumulais tout au long de l'année. Et je vis mon poème des semaines, des mois, parfois des années. C'est Négritude et c'est l'ouverture de l'album d'ailleurs, ce morceau. Exactement, et histoire vraie, je viens de découvrir le clip. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même, c'est vrai que t'étais en train de mater le clip. J'étais en train de mater le clip. Alors on le balance quand est-ce qu'on peut tous le mater? Eh ben tu sais quoi, j'ai tellement réussi, je reçois des mon album n'est pas le disque de la... Je reçois toutes les punchlines du morceau, les gens ont l'air de le kiffer, donc on l'envoie ce soir. Voilà. Ce soir? Ce soir, sur mon Twitter, sur mon Facebook, sur ma chaîne YouTube Booma et Musique, le clip de... Où est l'amour? C'est voilà, je veux pas trop. T'es content du clip en tout cas? Je suis très content. Bah, sinon, je serais pas aussi pressé. C'est ça, tu vois fait. Ce que je veux dire? Le gars, le gosse, c'est. Là, ah, bah, y a rien à remonter, y a rien, c'est bon. Non, y a rien à toucher, y a rien à toucher. D'habitude, y a toujours des trucs, voilà. Et là, c'est spontané, frère. On l'envoie. Donc, restez connectés sur mon Twitter, mon Facebook et tout. À mon avis, 21h30, 22h au maximum, vous aurez le clip que vous puissiez kiffer, que vous puissiez en parler autour de vous. Est-ce que c'est aussi, ça a été une réflexion, évidemment. Il y a les textes, il y a l'album qui est, voilà, c'est d'un côté la partie de la création artistique et toute cette partie, que ce soit l'image, l'application, est-ce que c'est aussi beaucoup de prise de tête de... Ça a été une grosse réflexion assez nouvelle dans, disons que c'est pas que avant je n'y réfléchissais pas, mais que ça soit la pochette, parce que t'as vu, on a fait des trucs assez originaux, on a fait l'expo. Il y a eu une expo, ouais, tout, voilà, la semaine dernière. La semaine dernière, ouais. Fifou, il a exposé les photos de l'album et moi je faisais écouter l'album. Des gens qui demandent d'ailleurs si elle va se balader un peu cette expo, ouais, parce qu'elle va aller se promener un peu dans différentes villes. Je te cache pas, au début on était un peu trop sûr de nous parce qu'on savait pas ce que ça allait donner. Moi, je vais pas dans les galeries. Les gens, ils vont même plus écouter les disques en Fnac, donc qu'est-ce qu'ils vont venir l'écouter dans une galerie pour Youssoupha. En fait, ça a super bien marché, vraiment, et on a beaucoup ce retour-là. On a pas mal été relayé, ça a fait parler de l'album en bien. Donc, à mon avis, les Lyonnais, les Marseillais, les Rennais, les Strasbourgeois, les gens de Tours, etc., tous les endroits en tout cas où j'entends que voilà, ils voulaient mettre ça en place, ça peut être bien, c'est un truc qu'on va mettre en place. Donc voilà, donc tout ça, il y a eu ça aussi, voilà, autour de l'album, c'est en effet. Donc, Fifou qui a fait le design, qui est quelqu'un qu'on présente plus, hein, qui a fait tellement de pochettes pour le rap français. Exactement, ouais, quelqu'un très talentueux. Et qui a pris justement, qui a illustré les morceaux. Les morceaux à chaque fois. Et en fait, en gros, c'est. Ouais, maintenant, on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'image. Et du coup, ouais, on se bat pour faire des meilleurs clips. Nous, on est des indépendants, mais on essaie de se dire que les gens, voilà, ils s'en foutent qu'on est indépendants. Ils veulent quand même avoir de la qualité. Donc, c'est comme pour le clip Où est l'amour qu'on balance tout à l'heure. On a pris quelqu'un qui s'appelle Rémi Le Rumeur, qui est fort en motion design et qui a fait le Pucli. Et c'est. Donc ça aussi, ça a été des choses, voilà, qui ont été. Qu'on pense en amont. Beaucoup qu'on pense en amont. Beaucoup, ouais. Pour beaucoup. Et voilà, la pochette. Les petits des morceaux anges, de la pochette. Les morceaux de la pochette. Même l'appli, tu vois. C'est pas mal de choses qui sont pensées en amont. Parce qu'aujourd'hui, la musique, c'est bien. Mais ça suffit pas. Moi, je cherche d'abord à avoir un bon disque. Une fois que j'ai un bon disque, je cherche le meilleur moyen de le défendre. Et d'en parler. Ouais. Et que les gens en parlent. Ouais. On va écouter un autre morceau dans un instant. Tu nous feras aussi un live, je crois, avec Myst, qu'on salue, qui est là. Tu m'as chauffé avec ta rétro tout à l'heure. Ouais. Tu m'as chauffé, j'ai envie de faire une autre titre rétro tout à l'heure. Et bon, on va voir si vous êtes aussi forts tous les deux, Mist et toi, dans quelques minutes. Oh l'enfoiré. On verra si vous pouvez gester tous les deux. Ouais, non, ça va pas nous rajeunir, mais on va essayer de gester quand même. Et bah bougez pas, c'est sur Skyrock. Juste avant, je te présente Sika de l'email Brevan, pardon, dans le 9-4. Ça va bien, Sika? Ouais, tranquille, et toi? Et bah en pleine forme, je te présente Youssoufa. Ça va, Sika? Ouais, tranquille, et toi? Ah, tranquille, grâce à Dieu. Est-ce que tu as l'album Négritude, Sika? Non, je l'ai pas. Quand est-ce que tu vas réparer ça, mon frère? Bientôt, Inch'Allah, t'inquiète. Inch'Allah cette semaine, hein. Inch'Allah cette semaine, Inch'Allah demain. C'est encore mieux. Ça va. Inch'Allah demain, pour moi, c'est Inch'Allah tout de suite, hein, quasiment. Hein, c'est pareil. Tout de suite, à ce temps-là, là, je sais pas s'il y a quelque chose de nouveau. Non, je t'embête, mais merci pour le soutien, en tout cas. On compte sur toi. C'est normal. Sika, toi, tu aimes donc bien l'objet, tu as envie d'avoir l'objet dans les mains, tu as envie d'avoir le CD. Voilà, exactement. T'as bien raison, moi aussi, je suis de l'ancienne école, un peu. Et bon, on va t'écouter rapper, c'est parti, Sika. Avec plaisir. D'accord. Session freestyle par téléphone, on y va, mon pote. Hey, c'est Ika, 4-5-0, tu crois quoi? Narval ou Tu veux me barrer sur mon joint rap, il va t'envoyer sur la planète de ma mec, j'ai pas de zéro sur mon bulletin, moi ce que je recherche c'est les avoir sur un chèque. N'essaie pas de me baiser, en définitive c'est moi qui vais te la mettre. Je vais pompter pour toutes ces bêtes et je vais leur apprendre c'est qui le maître. Pas les couilles de ce qu'ils pensent de moi, je fais mieux que cela va de soi. Tu peux demander au poteau balade dans nos têtes. GTA, TPT m'attendait au tournant. J'ai pris les devants, j'élimine mes concurrents. Un brolique, des billets de sang. Une transaction, ça peut se finir en bossant. Dans ma tête, je suis paro. Dans ma tête, je colle ma paro. Si je trouve que t'as une gueule de l'autre boreille, ne t'étonne pas si j'allume les tarots. Contrôle la zone comme Marcos Mokonzi. Ma chère en l'air, ça vient de la triste. Ça se sait, c'est les anciennes victimes qui plus tard deviendront des chemises. C'est le retour de l'aigle de Carthage. Chacun de mes passages, un carnage. S-I-K-A, le coup, c'est pas de barrage. Pas dans ce game, c'est devenu mon otage. Si tu penses avoir le pouvoir, c'est tout simplement ce que je te laisse croire. La seule personne pouvant me fumer est sûrement de l'autre côté quand je regarde un miroir. Je fais le taf, je reste silencieux. Évident que je passe des envieux. Et bien sûr tu en deviens furieux quand ta meuf te dit que je suis le meilleur au vieux. Poto, c'est alors que tu n'es pas là, que ta meuf me capte que je vienne chez elle. À mes oreilles j'ai des potas là. Je suis la vision de Springer et de Barkdale. On traîne dehors toute la nuit. Higo, on en devient des zombies. Si tu ne possèdes pas d'ennemis, Higo, c'est que t'as mal investi. Dans ton équipe rien que ça part chinois. Faire du bif, on sait faire que ça. J'accélère, j'attaque le convoi. Trop violent pour toi et tous ces petits bourgeois. C'est Ika. Sika à l'instant. Freestyle par téléphone, merci à toi Sika. Bravo pour la force. C'est qui cette instru? Elle est bien en plus l'instru. C'était Niro. Elle est bien l'instru. Je connaissais pas l'instru. Bien, très bien. Très bien. Merci, c'est normal. Petite dédicace, on peut te retrouver sur le net. Sika, vas-y, balance les infos. Pour me retrouver sur le net, c'est ma page YouTube et ma page Facebook essentiellement. C'est K94. Après sur Insta, KAIS-94. Puis après je vais dédicacer le poteau Yérim, Mézian en Didi de Malaga, Mounir, Moha, HKL, Ken, Yanis, le Rey Christo et enfin Libéré Bisous. Merci à toi et on s'arrête. Merci gros. Salut. Ciao. Ciao à plus. Le Planète Rap avec Youssoufa. Avant de passer au live, Youssoufa, un morceau de l'album. Ouais. Un morceau qui a été balancé. Un morceau. Je connaissais pas ses origines allemandes. Ouais, non, mais je lyriciste allemand. un morceau qu'on a clippé avec Chris Macari qui. Morceau clairement fait pour la scène, sur lequel on a beaucoup de retours. Ça, c'est ça, tu sens que c'est clairement les morceaux. Ouais, il y a des morceaux comme ça, comme Salam ou comme celui-là, clairement c'est. Oh, j'ai pensé à un peu à la salle, les gens sauter. C'est le but, ils sortent de la salle, ils se déshabillent, c'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais alors Mannschaft? Mannschaft, c'est l'équipe nationale allemande. Mais tu. Allemande? Je sais que c'est l'équipe nationale allemande, mais tu aurais pu choisir, je sais pas, le PSG. Mais tu par vois, exemple, qui. Imagine, le morceau, il s'appelait Les Bleus. C'est pas terrible. Non, t'aurais pu l'appeler Paris Magique. À la fin, c'est nous qu'on gagne, c'est nous le. Non. Non, il marcherait pas quand je le ferai à Barcelone, il marcherait pas. Toi qui es un grand supporter de déjà quelle équipe, rappelle-nous, Youssouf. On va s'écouter Mannschaft. D'accord. Et pleurer le départ de Steven Gerrard et la troisième place de Marseille. Voilà. Tu voulais le dire, je l'ai dit. Pour l'instant, vous êtes. Vous êtes combien? Quatrième, non? Quatrième. Ouais. Vous êtes quatrième, je suis désolé. L'espoir fait vivre. L'espoir, ouais. Et ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. Mmh. On suivra ça la semaine prochaine, en tout cas. Parce que nous, ça y est, c'est fait. Ouais. Vous êtes en Ligue des Champions? Bah.

C'est extrait de Négritude, l'album de Youssoupha, et le morceau s'appelle Mannschaft. Mannschaft, franchement celui-là sur scène, oh là là. Il ouais, y a des gens qui disent j'ai exprès voir pour voir ce morceau sur scène. Non mais grave, mais tu sais, des fois tu kiffes des artistes comme ça, tu dis hey, t'es quoi, lui j'aime bien ou j'aime moins, mais juste pour voir un peu comment ça va donner tel morceau sur scène. C'est quand les prochaines dates Youssoupha, alors le 20 mai là c'est-à-dire c'est le 20 mai, c'est quand, c'est mercredi. Eh ben ouais. Le 20 mai, après, ben justement, je vais monter sur scène juste après le Planet Rap. Ça sera à Nanterre, à Maison de la Musique. Venez nombreux, parce qu'en plus, comme donc c'est là, cette semaine, ouais, à Nanterre. Et le 30 mai, pareil, en région parisienne, au plan Harris Orangis. Pareil, ça va être lourd. Le 2 juin, on est à Calais, au Centre Culturel Gérard Philippe, à Calais. On revient pour le Love Music Tour. L'embarcadère à Aubervilliers le 5 juin. Donc beaucoup de régions parisiennes là. Le 2 juillet, Orange Rock Corps à Paris. Ça, t'as vu, c'est un concert. Tu donnes, tu reçois. Voilà, exactement. Et puis surtout, le 10 novembre au Zénith. Mais voilà, avant le 10 novembre au Zénith, on va faire monter la sauce. Donc 20 mai à Nanterre, venez sale. 30 mai au plan Harris Orangis, venez sale. Calais, le 2 juin, vous attend. Dans le Nord, j'étais pas, il n'y a pas longtemps avec Black M. On vous attend fort. Et le 5 juin à Aubervilliers, le Love Music Tour est déjà parti. Youssoupha avec nous. Est-ce que tu es prêt, Youssoupha? Mist, lui est prêt, je le vois derrière. On se fait une petite rétro de vieux. Moi, je suis chaud. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ok, pour les gens qui nous connaissent depuis longtemps. Ok, dites-nous. Ok, pour ceux qui se rappellent de celui-là. Des dizaines de mesures, et pour ceux qui nous suivent depuis le début. T'es jamais dit. Éternel recommencement, on était déjà Bauma et Musique à l'époque. La même réalité, on dénonce les c'était déjà problèmes. La même épique. Titre après titre, la même équipe, après album. Philo, Lasana. Au point que j'ai le sentiment. Tout le monde était là. Tout ça n'est qu'un éternel dédicace à Ice Criminel. Yeah, yeah, yeah. Et puis le premier album, il est arrivé, le deuxième. On a fait l'apprentissage du succès, de l'échec, jusqu'à faire ce morceau qui faisait un truc du genre. Yeah. Yeah. Isolé loin des autres comme un damné. Désolé pour mes fautes depuis des années. Je suis désarmé, je sais désormais que la vie est un apprentissage qui ne finit jamais. J'ai appris ce qu'était le manque quand j'ai perdu celle qui m'a donné la vie. Et sur le moment, j'étais bon pour l'asile. Je me guéris avec la zic pour sortir du coma. C'est tragique, j'attends le fils qui voudra bien d'un père comme moi. J'ai appris l'extase en montant sur scène, le bordel à Skyrock. Ah bon. Derrière y'a mes gens, y'a mes gesteurs. Et celle-ci, c'est, tu te rappelles bien, c'était l'effet papillon, tu vois ce que je veux dire. Eh, ça c'est un truc. T'avais jamais entendu de rap français. T'avais jamais entendu de rap français. Yeah, t'avais jamais entendu de rap. T'avais jamais entendu de rap. T'avais jamais entendu de rap français. T'avais jamais entendu de rap français. T'avais jamais entendu de rap français. T'avais jamais entendu de rap. Yeah. Prince parolier, yeah. Rime explosif comme la nitro pour que la concurrence au micro ne puisse pas le nier. Si ça part dans les insultes, évite la remède. Si de la punchline tu rates la chute, hésite pas remède. C'est freestyle mais je te parle pas de shit et de sky mais bien de la street et de Seracaille même. Je rappe toujours frais, en durée, je suis tout nouveau. Vous rappez tous pareil, on dirait une Corée de Kuduro. Retiens mon nom d'analphabet, tu veux que je faiblisse. Si je t'ai traité de combat, considère que c'est un euphémisme. Trop d'ennemis dans le complot sans crier gare. Remarque ceux qui parlent dans mon dos, seul mon cul les regarde. Reste à l'écart, mais dans la machine, tu le gravillon. Pour enrayer Paris avec Marie, mais l'effet papillon. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Tout le monde. T'avais jamais entendu de rap français. Ok, celle-ci. Pour ceux qui se rappellent, à chaque frère en 2007, il y avait déjà beaucoup de soldats. Ça venait de loin, mais on était déjà beau maillé musique. Est-ce qu'il y a du monde dans les studios de Skyrock aujourd'hui? Ah bon, les gesteurs sont là aussi. Celle-ci, c'est pour les gens de Kinshasa aussi. Bien. Il y a trop de force dans ma destinée. Trop de patates à Skyrock dans ma destinée. Trop de patates à Skyrock dans ma destinée. Et c'est ça même. Ok, 2015 venu pour changer la donne. Je cartonne les mixtapes, kick sec et voilà mon album. Que la concurrence pardonne mon talent. En l'occurrence, tu peux détester, mais je vais pas rester les bras ballants. Pas né dans le ghetto, rien à battre de vos règles. Ton rap est trop raide, venu du bled. Moi, j'ai d'autres règles. Et je te révèle que Youssoupha est venu t'offenser car t'avais jamais entendu de rap. Ok. Pour ceux qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus même pendant les périodes les plus difficiles, ah ouais, celle-ci elle nous a coûté en frais d'avocat. Ça s'appelle à force de le dire, à force de le dire. Bauma et Musique, toujours la même équipe, toujours soudée. Lasana, bien.

tout le monde. Oh, oh, l'amour ça repart, parfois ça nous quitte. J'assume tous mes pas car seul Dieu nous guide. Et quand on se parle, l'histoire est écrite. Quête, on est quitte, ne me remercie pas. La rue m'a fait vivre, mais la rue m'a dégoûté. L'école m'a fait lire, mais l'école m'a fait douter. Maman m'a appris que l'argent n'est pas une fin en soi, que vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. On m'a dit ne te rate pas, y'a personne qui m'aide. J'aime pas le rap, moi c'est le rap qui m'aime. Il m'a rendu au centuple tout ce que je lui donne. Et parfois quand je ne chante plus, c'est là que je m'isole. Et je n'ai pas d'idole, à part le plus grand, à part mon créateur. Plus j'en parle, plus j'en tremble. Plus rien ne me tente, à part quelques doutes que l'on promet. Yeah. On se ressemble, DJ Mist, on se connaît, non? Yeah, on se connaît. Youss, on se connaît. Yeah, yeah, yeah. Youss, on se connaît. Je peux pas t'oublier, mon frère. Yeah, je peux pas t'oublier, mon frère. Yeah. Dédicace à Que Black, dédicace à Naza. Fif Mehdi sont dans la place. Yeah, une spéciale pour l'équipe Bomba et Musique. Tout le monde avec moi. La la la la, je vous entends pas. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Tout le monde. La la la la. Tout le monde. La la la la. DJ Beast. La la la. Ah ouais, c'est bon, ça fait du bruit pour vous-même, vous êtes un putain de public. On s'arrête pas comme ça, t'as vu? Là c'est la rumba congolaise façon comme on l'aime. Une spéciale pensée pour le seigneur Taboulay Rochereau, forcément. À mon Congo natal, Kinshasa, Brazzaville et tous les pays d'Afrique qui nous ont accueillis pour le geste tour. Abidjan aussi on vous voit, Libreville, Dakar, Douala, vous êtes là Yaoundé. Eh, le Bénin aussi. Ok, yeah. Ah. Et quand je me lève, la vie est moins amère. Hier j'ai fait un rêve, j'y ai vu ta grand-mère. Elle c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer sa bravoure en héritage. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le bonheur a un nom, le mien je l'ai appelé Malik. Tellement de crainte, ta vie est une offrande. Quand ta mère est enceinte, c'est moi qui ai mal au ventre. Papa était un thug, des flammes de la rétine. Il a rejoint le club des peluches et des tétines. Fini le baby blues, maîtresse sur ton portrait. Mon cœur qui fait boum, désormais je me sens prêt. Alors je te chante. Pitié, toi mon amour. Oh, pitié. Ça fait plaisir d'entendre le daron sur Skyrock. En vrai, en vrai, en vrai, en vrai, on kiffe en fait. Chante papa. Pitié, toi mon amour. Chante papa. Ok, yeah. Je travaille nuit et jour pour ton seul. Est-ce que vous pouvez me faire un maximum de boucan les gens dans les studios? Ok, pour la poisson, DJ Mist. Celle-ci, forcément, dans ce moment-là, elle prend une tournure particulière. C'est pour ça. Yeah, DJ Mist balance ça. Espérance de vie, c'est pour les jeunes, partis trop tôt. Et aujourd'hui, forcément, on a une pensée spéciale pour Zina et Bouya, pour Pouna et Zied, par rapport aux délibérés injustes qu'on a appris aujourd'hui. Mes pensées et celles de mon équipe vont à leur famille. On lâche pas l'affaire, on relaie. Et celle-ci, elle s'appelle Espérance de vie. Yeah. Ok, appelle-moi Youss, on se connaît. Prince, on se connaît. Lyriciste Bantou, mais avant tout, on se connaît. Black Bird, Pap, tout, de partout, on se connaît. Parle-nous d'amour avant de nous parler de money. Youss, c'est ce que me disent les Oyens, les Daronnes, loin des pinces et des charonnes. Et même en Yinche, je n'ai qu'une seule parole. Quand vient la mort, en t'enterre sans tes milliards, est-ce que t'as déjà vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard? Donc j'en place une pour tous les gens que vous avez perdus, pour tous les gens que vous continuez à conserver et à protéger. On est sur Skyrock aujourd'hui, il y a du geste bien sûr, mais il y a aussi des pensées fortes pour tous vos proches et pour tous les nôtres même qui sont loin, mais avec lesquels on essaie d'être solidaires et ça sert aussi à ça. On fait du rap frère, on fait du rap spécial pour Bouna et Zied. Yeah, c'est ça même. Ça, merci, ouais. Merci. Applaudissements pour vous-même. Vous êtes un super public. Yeah. Merci Youssoupha en tout cas. Très très bien. Pour nous replonger dans tous ces gros morceaux aussi. Ouais, c'est. Et finir avec Espérance de vie en effet à l'instant. Grave. Qui prend forcément une autre ampleur particulière. Voilà quoi. En tout cas, cette émission là en tout cas, grosse pensée pour. Au bout d'Aizienne, mais on va pas s'arrêter, on va en reparler encore dans la semaine. Et si bon, on va en reparler évidemment dans la semaine. Si on a des nouveautés à ce niveau-là. Ça c'est clair, entre 20 et 21. Merci Youssoupha pour cette première soirée, merci à vous merci tous. Merci beaucoup frère. L'album est dans les bacs depuis lundi, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette et on trouve D-Fool juste après. Je m'appelle Max. Skyrock t'offre le Max Fury Hero de ciné. Pour toi et 4 personnes de ton choix. Survivre. Marion du côté de Marseille, comment ça va Marion? Salut, ça va? Ça va en pleine forme. Salut Youssoupha. Ça va Marion? Ça va, nickel. Très très bien. Hey, je vais trafiquer la Sky roulette, tu vas. Ah bah, ce serait cool. Et bah, on y va. Je pourrais glisser d'ailleurs une petite signature, hein, ça serait cool. Avec plaisir, avec plaisir. On va se débrouiller cool. pour t'avoir ça. Allez Marion, nickel. Dès que tu veux, tu dis stop. Il y a donc un avion offert par Beaumayer Musique à gagner dans la roulette. Par Skyrock FM. Il y a Philo qui vient de se lever. Quoi? Miniature, hein, la miniature, l'avion. La roulette qui. Et ben en attendant l'avion, c'est les places pour aller au ciné voir Mad Max. Il n'y en a pas une ni deux, mais il y en a carrément cinq. Et c'est pour toi, Marion. Le film Skyrock, Fury Road. Nickel. On te file cinq places pour aller au ciné gratos. Ah. Génial. Normalement, tu devrais en avoir deux, mais j'ai. Il a négocié. J'ai fait jouer un peu mes relations. Ça. Ah, bah, je me disais menteur. Aussi, ça vient pas tout seul, quoi. Non, mais en tout cas, je t'embrasse très fort, Marion. Bah, moi aussi. J'espère. Et puis, continue bien. Et puis, fais-nous kiffer, comme d'hab. Ah, merci beaucoup. Merci on beaucoup. Te fait un bisou, Marion. Passe une bonne soirée. Merci, Youssoupha. Merci l'équipe. Ouais, il y avait que Black et Naza qui sont présents. Il y en a qui les ont grillés en plus à l'image. Ouais, parce qu'il y a les images maintenant. Ouais, grave. Et vous faites bien de le dire parce que dans la semaine là, ils vont revenir. C'est Beaumayer Musique. C'est la suite de Beaumayer Musique. Ah, grave. Donc là, on commençait l'émission d'abord pour les vieux. Voilà. Avec les rétrospectives. On faisait genre à force de le dire. Mais bientôt on va ramener toute l'équipe et il y aura des super lives. Et ben merci en tout cas, merci aussi pour cet album qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Il s'appelle Négritude, on le découvre toute la semaine entre 20 et 21. Et on va retrouver aussi D-Fool et je sais pas si Romano est là parce que il voulait parler de ton look, Romano. Non mais si, bah d'ailleurs je suis passé dans Planète Rap, je t'ai vu rapper. Bonjour Youssoupha. Ouais, en sueur. Bonjour quand même. Est-ce que tu vas quand même lui dire ce que tu m'as sorti comme saloperie ce matin? Non mais je t'ai vu ce week-end à la télé dans le truc de TF1 là, de foot là. Téléfoot. Ah oui, effectivement. Tu avais des magnifiques couettes. Il a dit que tu avais des couettes. On disait la nouvelle mode de Youssoupha, c'est des couettes. Non mais c'est un truc de complexé. Tu peux en faire des couettes rien pour voir. Ah bah non, pour avoir la gueule que t'avais, je préfère pas. Oh là là là là là. Eh, tu sais quoi? J'arrive t'en faire. Oh putain. Ah ouais, mais tu vas galérer. Tu sais que toute cette semaine, des couettes au cul peut-être. Toute cette semaine, je suis dans la radio. Oui, bah je sais. D'ailleurs, c'était très bien ton live, tu vois. Ah, il essaie de se rattraper. Et mes couettes, elles étaient comment? Juste, bon, les couettes. Le live était mieux, non? C'était pas un bon. C'était spécial, on va dire. Elles étaient très bien, mes couettes. Tu te rappelles Fifi Brin d'Acier? Ah non. Attends, t'avais un truc comme ça? Bah oui, Fifi Brin d'Acier. Ah mon dieu. Je limite, c'est le look un peu. Mais tu connais rien en look, putain. Look capillaire, je suis limité, moi. C'est vrai que Romano, en termes de look. On est d'accord que Romano, c'est mieux qu'il fasse de la radio quand même. On est d'accord à ce niveau-là. Ça... On ne dira rien. Est-ce que je me prononce? T'as bien réussi à faire de la télé, donc. Oh putain. Ça chauffe, hein, vous avez vu ça un peu. Hein. C'est, ça clash. Cette semaine sera. Dure. Longue. Dure. Ouais, c'est ça. Jusqu'à vendredi, c'est ta semaine, Youssoupha. Je t'aime, Romano. Mais moi aussi, Yous. Oh, c'est beau. C'est l'amour vache. On appelle ça comme c'est ça. Voilà. Dire, ouais. Je t'aime. Il t'a piqué quoi la dernière fois? Un portable, non? Ouais, un portable. Un portable. Mais tu sais, j'ai perdu d'autres choses entre temps. Je sais pas si c'est. Je suis pour rien là. Je reviendrai, je rôde. Tu sais quoi, je reviendrai un jour. Je te dis même pas quel jour. Ah bah vas-y, demain déjà. Non, je te dis pas le jour, je débarquerai comme ça. Ok. Ça fout les boules. Ça peut se passer n'importe quand alors. N'importe quand. Ça sera une surprise. Ouais, je te jure, à n'importe quelle heure. Tu flippes, hein. Ah ouais, trop. Quel enfoiré. Merci Youssoupha, en tout cas. Marie, je t'embrasse. Moi aussi, gros bisous. Et puis les autres, vite fait, je vous salue vite fait. Oh, ça pareil. Nous aussi, et puis on va te donner rendez-vous demain. Vas-y, y'a pas de problème. Je vais venir buter quelqu'un. Attention. Demain 20h, à pas louper, le Planète Rap de Youssoupha, l'album à découvrir, c'est Négritude. Exactement. Et c'est sur Skyrock. Et merci attention, beaucoup. Attention pour démarrer la attention, soirée. Attention. Soprano. Mon gars. Et ouais, Soprano qui arrive là, on démarre avec Soprano, puis on démarre avec vous toutes, en direct sur Skyrock, c'est au 01 53 40 30 20. Vous pouvez tout dire, hein, vous faites comme Youssoupha, tout est possible entre 21h et minuit, c'est sur Skyrock que ça se passe, et c'est avec vous. Et demain c'est sur Skyrock aussi à 20h, Planète Rap, Youssoupha. Avec plaisir frère. Merci Youssoupha. Bonne soirée. Romano, à bientôt. À tout à l'heure, ouais. A plus. Ciao. Ah ouais, peut-être à tout à l'heure. Ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être n'importe quand. Ah ouais, c'est quand. Ça peut être cette nuit, ça peut être. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non. Tu vas prendre le tu viens quand tu veux au pied de la lettre alors. Exactement, hein. Exactement. Il est mort votre gars. Salut Youssoupha. Tu sais où il habite. Je connais tout. Tu sais, il y a des traîtres dans cette radio. Hein. Tous vendent, tous achètent. Hein. Exactement. Et ouais. Youssoupha Fredo demain 20h. Ciao, ciao, à demain. Et Radio Libre tout de suite sur Skyrock, c'est parti avec Clown, le son de soprano et vous tous en direct. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Diffoulé sur Skyrock.